333. Activation. Dictation. Immediate future and present. Listen and write in the missing words. 1. Bonjour, Tante Georgette. Où tu vas? Je vais promener Fido. Où tu vas? Je vais promener Fido. Two. Moi, ça ne va pas fort. Je suis fatiguée. J'espère que ça va aller mieux. Moi, ça ne va pas fort. Je suis fatiguée. J'espère que ça va aller mieux. Three. J'espère que c'est des chocolats. C'est des chocolats. J'espère que tu vas m'en donner. Je ne sais pas. Au revoir. Hey, ça suffit, tu ne vas pas les manger tous. Pourquoi pas? Parce que tu vas être malade. J'espère que c'est des chocolats. C'est des chocolats. J'espère que tu vas m'en donner. Je ne sais pas. Au revoir. Hey, ça suffit, tu ne vas pas les manger tous. Pourquoi pas? Parce que tu vas être malade. Four. Tiens, choisis. Je ne sais pas lequel choisir. Tu vas choisir, oui. Tiens, choisis. Je ne sais pas. Je ne sais pas lequel choisir. Tu vas choisir, oui.